essayer de chanter. Celui-là, il est bien. Ils sont bien ces sons là. C'est quoi ça? Et bien ton son là. Pourquoi c'est mis en Bluetooth? Oh putain, c'est mis en Bluetooth. Ça c'est Minimoog ça. L'OPX, putain c'est bon ça.